Chapitre 67. Un Indien nu approche, s'assoit sur ses talons au bord de la crique et prend dans ses mains un peu d'eau boueuse qu'il boit, affectant l'indifférence. Il est venu soudain on ne sait d'où. Il semble avoir surgi du sol sans que rien n'ait pu faire prévoir sa présence. Le vieux garde-chiour me donne l'ordre de reprendre la marche. Nous passons auprès de l'Indien sans échanger un signe. En aval, lorsque la silhouette de l'homme accroupi n'est plus qu'une forme immobile entre les bambous immobiles, le vieux garde-chiourme, sans retourner la tête, parle soudain, comme s'il s'adressait à un interlocuteur placé tout près de lui. « D'où viens-tu ? Étais-tu avec les Indiens de la pirogue ? Et cette femme blanche, où va-t-elle ? » L'Indien, sans changer d'attitude, répond. « La pirogue est partie. La femme blanche va au placé. » Nous n'avons pas arrêté notre marche. Nous suivons en silence la berge de la crique. Le tournant nous cache l'Indien laissé en amont. À mesure que la distance augmente, le ton des voix s'élève. « Pourquoi n'es-tu pas avec les autres Indiens ?»« Je n'étais pas avec eux. Mon carbé est au bord du fleuve. La bâtie plantée de manioc à l'embouchure de la crique est à moi. » Le dialogue se poursuit, suivant les usages de la brousse. Les hommes, dans les bois, ne se parlent jamais en face. Ils s'interpellent à longue distance et s'entendent au-delà des limites ordinaires de l'ouïe des hommes. « Cet homme, dit le vieux garde-chiourme, était avec la femme blanche. Il nous suit depuis le fleuve. Il communique avec les Indiens de la pirogue. Il nous suivra encore. » Chapitre 68. Semblables aux animaux de la forêt, les hommes de la brousse songent d'abord à leur nourriture. Les forçats, harassés par une journée de pirogue, grillent au bout de longues baguettes le porc salé. Des poissons empalés se dorent sur la braise. La pluie, qui tombe depuis l'aurore, glisse sur les cheveux des hommes assis et sur leurs vêtements mouillés. La forêt ruisselle, le sol détrempé fume avec des relents de cloaques. Le vent humide, qui semble s'élever de la terre elle-même, déverse l'eau accumulée sur les feuilles des arbres. Le froid et l'obscurité envahissent le camp. La lueur du feu faiblit. Des formes apparaissent qui passent et vivent dans la nuit. Un dernier crépitement de branches consumées, des craquements sourds de bambous. Puis des souffles, comme des froissements d'étoffes de soie, la laine de la forêt endormie. Chapitre 69. La solitude, le silence est absolu. Le marais s'ouvre au bord de la forêt, étendue d'herbes vertes, habitée par des êtres qui ont pris la même couleur et qui semblent former corps avec lui. La piste s'est arrêtée au bord de ce désert. Les hommes rampent péniblement dans la boue. Les Indiens ont entraîné notre caravane sur le marais qui efface toutes les traces. Une lumière aveuglante, aiguë, tombe du ciel. L'horizon, perdus dans la brume, reflètent les mirages d'étranges spectres qui disparaissent et reviennent dans la buée mouvante. Le marais scintille et flamboie. Lily guide la caravane. Elle lit sous les herbes de Para la trace des Indiens. Nous sommes sur l'immense plaine comme des insectes noirs. Les forçats épuisés s'arrêtent et demandent grâce. Nous n'avons plus de vivres. Nous couchons, la nuit venue, roulés dans nos couvertures sur des lits d'herbe qui menacent de nous enliser dans la boue. À l'aurore, les hommes exténués par la fièvre et la faim refusent de prendre la piste. Comme nous revenons sur nos pas, le vieux garde-chiourme vaincu répète « Quelle folie de chasser ces Indiens! Ils marchent sur l'eau, ils savent vivre sans manger. Mais cette femme blanche, comment peut-elle suivre une telle route ?» L'Indienne a disparu, elle suit seule la trace. Ce soir, elle sera au camp des Indiens. Nous ne la verrons plus. Chapitre 70. Comme un piétinement de sauterelles, la pluie bruit sur les feuilles. L'eau pénètre les choses, engourdit les êtres. Je sais qu'ils s'aimaient, dit le vieux surveillant. Je sais que jamais deux amants n'ont eu plus parfaite communion de goûts et de pensées. Ils étaient dans cette solitude l'image du bonheur. Et cependant, quel étrange mystère! Elle a soudain tout quitté, tout perdu, pour suivre le plus misérable des hommes, qui ne pouvait la conduire qu'à la plus misérable vie. Comment a-t-elle pu faire cela? Que de luttes et que de souffrances cachées pour essayer d'oublier et pour abattre ce souvenir. Et lorsqu'elle croyait avoir triomphé, voici que l'homme est apparu. Le vieux garde-chiourme raconte maintenant des histoires de la jungle. Il les récite lentement, avec passion, comme autrefois le vieux navire racontait les histoires de la mer. Il sait que l'âme des hommes est l'âme même de la jungle. Il sait que la loi suprême de la forêt est le souvenir. L'instinct de toutes les bêtes, l'instinct des plantes, n'est que l'accumulation des souvenirs de la vie présente et des vies antérieures. Le premier amour laisse dans l'âme de la femme des images qui réapparaissent toute la vie, chaque fois que l'amour renaît en elle. La pluie frappe le toit de Vara de notre case de coups précipités, réguliers et monotones. Une buée que le soleil irise emplit la maison et voile les objets familiers qui nous environnent. Dans l'ombre grise, qui a pénétré jusqu'au fond de mon cœur, flottent des images du passé. Ce sont des souvenirs du village que j'aime, la maison maternelle et de pauvres gens assis au bord du chemin. La nostalgie engourdit ma pensée. Un besoin douloureux de revenir vers ce coin de terre où je suis né et où sont accumulées toutes les traditions, tout le passé, toutes les pensées de ma race. Au bas du chemin, dans la vallée peuplée de saules, coule le ruisseau qui seul lave les souillures du présent, qui seul donne le merveilleux oubli. Chapitre 71. Pourquoi tant d'agitation? Cette femme est partie, qu'importe? Le village dort sous les cocotiers. C'est l'heure torride. Le forçat libéré qui nous sert est brûlé par la fièvre. Le teint au creux, les pommettes saillantes, Voûté par la cachexie et le paludisme, il promène autour des tables une silhouette de squelette. Des gardes chiourmes en uniforme kaki, quelques flibustiers de Minodore, des filles sans race accablées par la sieste. Sur la table, des pots de tafia, de la glace, des jeux de cartes et les revolvers des surveillants militaires. Derrière un rideau de bananiers, on aperçoit le fleuve boueux et la chaloupe qui nous attend pour nous ramener vers l'intérieur. Une corvée de forçats passe en livrée de bure. Nu-pieds, ils défilent, silencieux, comme des ombres. Cet homme était fou. Quelle idée de venir avec une femme sur un pénitencier. Il était médecin à bord d'un transatlantique hollandais. Il a demandé à servir au bagne. Le vieux garde-chiourme se perd dans une histoire confuse, je ne sais quel roman. Un homme étrange qui a couru le monde, qui connaît tous les pays. Un fou qui se saoule des terres et qui tombe du haut mal quand il est ivre. Que sait-on de lui? Le soleil descend. Les chercheurs d'or chargent les pagaras sur la chaloupe. L'auberge s'emplit des bruits du départ. Des libérés en veste bleue menacent de s'entr'égorger pour une discussion avec les filles qui leur vendent les pépites d'or reçues en salaire. Ils habitaient une case au bord du fleuve, sous des glycines. Un ménage d'amoureux, ils ne la quittaient que pour son service à l'hôpital. Elle l'avait peu à peu guéri de son vice. Il devait partir pour la France à la saison des pluies. Pourtant, que de mystère! La présence des forçats l'a terrorisé. Les forçats, anémiés par la fièvre, sont des esclaves soumis et inoffensifs. Elle les redoutait cependant, au point qu'aucun transporté n'a jamais franchi le jardin de la case, et je crois qu'aucun d'eux n'a jamais vu son visage. Elle est cependant partie. Qui peut savoir? Qui peut savoir pourquoi? Ce drame agite le vieux garde-chiourme. Dans la chaloupe qui monte avec la marée, il monologue. Peut-être l'a-t-il tué? Que peut-on faire? Il n'y a ici aucune justice. Chapitre 72. L'aumônier du pénitencier est un ancien sergent d'infanterie coloniale, barbu, crasseux, sceptique. Le souci de la partie de piquet engagée le préoccupe plus que cette histoire d'amour. Cette femme est partie, c'est une aventure, nous n'y pouvons rien. Cependant, le vieux garde-chiourme n'en veut pas démordre. Je sais maintenant qu'un homme est venu le matin de son départ. Un homme est venu qui lui a parlé et avec qui elle s'est enfuie. Personne ne les a vus. Il n'y avait pas de barque sur le fleuve. Ils ont gagné la brousse. L'homme qui est venu est un forçat. Chapitre 73. La maison du docteur est une case en bardeaux à claire-voie. Elle est tapissée de glycines. Un jardin de roses rouges l'entoure qui communique par une allée d'orangers au parc de l'hôpital. L'aumônier nous guide à travers les pièces meublées de bois des îles, lourds et grossièrement sculptés par les ouvriers du bagne. Sur une table chargée de fruits desséchés et pourris, un livre est ouvert. Une théière renversée, du thé noir dans une tasse, des biscuits secs à moitié rongés par les insectes. Sur une chaise longue, un peignoir. Ça et là, des objets dispersés dans le désordre familier de la vie du matin. L'homme est venu par l'allée, dit le garde-chiourme. Le docteur était à l'hôpital. Il y a sur le parquet les traces de ces espadrilles que portent les malades à l'hôpital. Quelque infirmier envoyé par le docteur pour rapporter un objet oublié, dit l'aumônier. Le docteur n'aurait pas envoyé chez lui un forçat. Je l'ai vu tremblant à crier au passage d'un bagnard. La maison est vivante. Elle frémit à notre passage. Les choses qui l'habitent ont gardé l'image des maîtres, momentanément absents. Des livres ouverts, des vêtements étalés, des fleurs fanées. Sur un secrétaire, quelques lettres et des feuillets au vent. Du papier à lettres portant en tête Van Dyck. « Allons-nous-en, » dit l'aumônier. « Le diable est passé par là. » Le docteur est parti le jour même. Il était comme un fou. Je n'ai rien pu savoir de lui. Les douaniers prétendent qu'il est allé au poste hollandais d'Albina. Dans la chambre du docteur, je trouve des paquets de notes couvertes d'une écriture régulière de femme. Ce sont des lettres d'amour. Elle écrivait tous les jours au docteur. Pendant les heures qu'il passait à l'hôpital, elle continuait avec lui le dialogue amoureux. Une âme tourmentée et heureuse est dans ses lignes, comme il s'aimait. Chaque jour, jusqu'au matin de son départ, elle a écrit pour son amant d'ardentes paroles d'amour. Chapitre 74. La forêt monstrueuse d'or, balancée par le vent. Les colonnes des arbres, noyées dans la brume du sol, sont comme les mâts pressés dans un port. Semblable à un torrent au fond d'un précipice, le Maroni s'écoule entre les murailles des lianes. La nuit humide descend. Le bruissement de la vie obscure des arbres emplit le silence. Une vie intense est là, endormie. La vie puissante des choses que le soir engourdit. Les hommes, accablés par la fièvre, dorment et gémissent. La nuit épaisse et lourde efface les dernières ombres. Seul, près du feu qui chasse les moustiques, j'attends en vain le sommeil. Et voilà que du fond du couloir de la rivière, des profondeurs de la nuit, voici que vient la voix de la forêt, comme autrefois venait de l'horizon la voix solennelle de la mer. Des phrases de vent s'éparpillent dans les ramures, le toit de la forêt craque. Une voix presque humaine récite. Il est venu par l'allée d'oranger. Un cri d'épouvante a salué l'arrivée de l'homme qu'elle attendait, car elle savait qu'il viendrait. Il s'est arrêté sur le seuil, dans l'encadrement des glycines, et il n'a prononcé qu'un mot, son nom. Il savait qu'elle était là. N'était-ce pas lui qui avait préparé le voyage sur le bateau inconnu? C'était lui qui avait écrit « Il faut venir ». Il était là, debout, très pâle, l'homme pour lequel elle avait tué, le maître, la force, le premier amour. Quelle folie d'avoir pensé qu'elle pouvait échapper à cette étreinte. Tremblante, les deux mains crispées à la table, elle le regardait affolée. « Je ne veux pas, va-t'en » a-t-elle crié. Et cependant, ils sont partis. Je les ai vus passer, haletants, épuisés, traqués par la peur. Chapitre 65. Quelle singulière histoire! Ils ont tué cette femme. » Le vieux garde-chiourme décroche son fusil et l'arme pour la nuit. Peut-on croire à cela? Une femme venue d'Europe pour retrouver au bagne le forçat qui était son amant? Comment est-elle venue jusqu'ici? Qui connaît la route de cet enfer? Les Indiens disent qu'elle est partie d'Albina, sur la côte hollandaise. Un chien hurle à la mort. Une branche de cocotier tombe au pied de la véranda. Le vieux garde-chiourme dresse l'oreille, se lève et se tient un instant aux écoutes sur le pas de la porte. On n'entend plus que la rumeur humaine des cages où dorment les forçats. Quelques gouttes de rhum et une tasse de verveine très chaude. Vous n'aurez plus la fièvre demain. Nous irons de nouveau à l'affût des paquiras qui ravagent nos cannes à sucre. Cette femme, qui l'a vue? Les deux surveillants corses qui l'ont tuée. Personne autre ne l'a vue. Mais puis-je croire à ces corses qui s'enivrent? J'essaie en vain de boire la verveine et le rhum. L'angoisse qui m'étreint me donne le vertige. Et cet homme qui ne sait pas parler. Je voudrais savoir, et chacun de ces mots me torture. Effondré sur sa chaise d'osier, le vieux garde-chiourme dort. Chapitre 76. Tu penses que je suis une bête fauve, un ivrogne? Le vieux Saramaka, les yeux brillants et angoissés, parle d'une voix contenue. La colère, la crainte et l'humiliation l'agitent. Que va-t-il arriver à présent? Je ne peux pas dire aux hommes de partir, ils n'obéiraient pas. La pluie fine et serrée de l'automne maussade, la pluie intermittente qui donne le spleen, couvre la rivière. Les dents serrées, le vieux Saramaka reste accroupi, frémissant à mes prières et à mes injures. La pluie bruit doucement sur les feuilles comme un murmure d'une fatigante monotonie. Que va-t-il arriver à présent? Pourquoi as-tu pris cette fille qui a mêlé notre trace à celle des Indiens de sa tribu? Elle est là. Elle a raconté l'histoire de la femme blanche. Invisible sous les manguiers, les Saramaka chantent. Les voix dures s'attardent sur un récitatif monotone, puis se font gémissantes, puis s'élancent vibrantes et anxieuses comme des cris de détresse. Le vieux chef, absorbé par le chant, reste comme engourdi. Se balance et répète à mi-voix les paroles qui expriment des idées et des sensations que je ne peux comprendre. L'heure chargée de pluie s'écoule lentement. Une sourde irritation nous tient les yeux baissés. L'Indienne est revenue, elle a parlé de la femme blanche. Tu vois bien qu'elle savait où étaient les Indiens, puisqu'elle s'est enfuie auprès d'eux. Elle a quitté la case où elle devait attendre ton retour. Elle s'est enfuie auprès des hommes de sa tribu. Mais maintenant, elle est revenue. Elle est là, avec un récit chargé de meurtre et de sang. La pluie tiède nous fouette le visage. La tristesse poignante du soir, l'angoisse des choses nous enveloppe et nous serre le cœur. Les Saramaka, ivres de tafia, ont arrêté leur chant. Un forçat évadé était avec la femme blanche. Comme les gardes-chiourmes arrivaient, la pirogue s'est enfuie. Les gardes ont donné l'ordre aux Indiens d'arrêter. Mais les pagayeurs ont poussé plus avant la barque dans le courant. Alors, les surveillants militaires ont commencé à tirer. La femme blanche s'est levée. Elle a découvert sa poitrine. Et, montrant le forçat couché dans la pirogue derrière elle, elle a crié aux gardes-chiourmes qu'il la tuerait s'il faisait feu. Les gardes ont tiré. Elle est tombée, sanglante, sur le corps du forçat. L'Indienne est revenue. Elle est là. Que va-t-il arriver à présent ? Chapitre 77. C'est ici qu'ils l'ont enterré, dit Lily. La jungle descend vers la rivière enfourée de bambous, d'acacias et de lotus roses réunis par les mailles d'un réseau de lianes. Une odeur étrange vient des grandes herbes. C'est ici, tout près de l'eau, les Indiens ont creusé le sol. Le forçat s'est agenouillé près du corps de la femme blanche. Puis la pirogue est repartie vers la rive hollandaise. Le forçat a mis sur le sol des orchidées qui sont mortes et que voici. Dans l'aurore naissante, le silence de la forêt est interrompu par le crissement des lianes, secouées par le vent. La brume venue de la rivière roule à ras du sol et disparaît sous la futaie. Le soleil, énorme boule de feu, apparaît dans les lointains bleuâtres. La forêt frémit. Les bêtes et les plantes réveillées par le jour s'agitent et bourdonnent. Des bandes de colibris rouges, des oiseaux-mouches, verts et blancs, volent sur les magnolias et les lotus. Des singes passent en bonds élastiques. Ils l'ont enterré très vite, la tête à ras de terre, à la façon des Indiens.